to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Ah, bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Avez-vous vu ça passer dans les nouvelles? Trois dirigeants d'une filiale suédoise de Bombardier Transport sont soupçonnés de corruption et détenus à Stockholm dans une affaire de vente d'équipements de signalisation à l'Azerbaïdjan. Le plus bizarre, c'est ma réaction. Je fais « Ah! » Pas surpris, là. Non, pas étonné. Je trouve que ça en dit long en même temps, parce que c'est comme si on était rendu à un moment où ces affaires-là sont plus vraiment importantes. C'est presque normal. Même esprit, le géant automobile allemand Volkswagen a formellement plaidé coupable de fraude et d'entrave à la justice vendredi aux États-Unis dans le scandale des moteurs diesel truqués. Le premier constructeur mondial a mis fin aux poursuites en échange notamment du paiement d'une amende de 2,8 milliards, mais au total, Volkswagen a accepté de verser 23 milliards aux États-Unis, notamment pour indemniser quelques 600 000 automobilistes et réparer les dégâts causés à l'environnement par ces moteurs diesel. C'est l'appât du gain. C'est fort, là. Mais avez-vous arrêté d'acheter des produits Volkswagen? Non? Ah! Mais après ça, on fait la morale. On dit qu'on veut que ça change, que les dirigeants changent. Mais pourquoi ils changeraient? On fait rien. On dit plus rien. Corruption, la cupidité, l'appât du gain, c'est normalisé, c'est banalisé même. On s'en rend plus compte, on se choque plus. Ce qui permet, entre autres, à un climato-sceptique d'occuper le fauteuil de gardien de l'environnement aux États-Unis. C'est un gars qui a bel et bien confirmé cette semaine qu'il croyait pas à ça. Que le consensus scientifique, c'est rien. Les données permettent pas de mesurer l'impact de l'activité humaine sur les changements climatiques, dit-il. Fait que ça existe pas. Go back to bed, America. Your government is in control, hein? Bienvenue à Econophile. Where's the revolution? Vous voulez nous trouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. C'est facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, c'est bien simple. Deux façons. D'abord, il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, vous allez sur econophile.net et puis vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous permettre de lire dans la salle d'attente chez Volkswagen. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Alors, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Cette semaine, donc, livre très intéressant. C'est pas qu'on a des semaines avec des livres plates, on les prend pas les livres plates. Mais quand même, un beau bouquin, Alternative à la globalisation économique. C'est un ouvrage collectif, 21 auteurs, sous la direction de John Kavanagh et Jerry Mander. Bon, c'est un livre qui date un peu, mais qui a comme presque pas pris une ride, je dirais, non? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même une agréable surprise pour moi parce que je me méfiais un peu d'un livre qui a quand même été édité en français en 2005, la version anglaise, je pense, en 2004, mais ça n'a pas pris beaucoup de rides. C'est toujours les mêmes problèmes, ce qui, dans un sens, c'est peut-être un peu décourageant. Oui, on mais, est même. Il reste que ça nous permet quand même de mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et je pense que le titre, même si j'aime pas beaucoup la traduction française du livre, je pense que ça rend bien l'esprit de qu'est-ce qu'on retrouve dans le bouquin. C'est vraiment de trouver des solutions de rechange à la mondialisation, compte tenu des impacts que ça a sur la vie locale, la vie des sociétés, la vie des communautés, impact également, bien sûr, sur l'environnement, sur l'énergie, en fait, toutes sortes de choses comme ça qu'on connaît relativement bien, mais le livre est bien documenté. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que contrairement à ce genre d'ouvrage, ce qu'on retrouve souvent dans ce genre d'ouvrage, ce n'est pas une simple dénonciation. Ouais, c'est on ça. Retrouve beaucoup de pistes, en fait, ce qu'ils appellent des alternatives pour qu'un monde meilleur soit possible. Donc, des pistes de solutions intéressantes. En fait, certaines sont un petit peu idéalistes, mais c'est quand même intéressant qu'on nous propose des choses à faire. Et ce sont des choses qui ne concernent pas uniquement les gouvernements ou la grande entreprise, mais qui concernent les citoyens eux-mêmes. Donc, ouais, effectivement, c'est ce qui rend ce livre très intéressant. Donc, les deux auteurs et leurs amis font partie de l'International Forum of Globalization. En fait, globalisation qu'on devrait franciser plus par mondialisation, mais toujours est-il, c'est un organisme, un groupe qui est établi à San Francisco et qui étudie les impacts justement de la mondialisation. Ils font beaucoup dans la sensibilisation, dans l'éducation aussi, et ça donne donc un livre considérable quand même, 500 pages, il y a du contenu. C'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, donc on sépare la matière en deux émissions pour éviter de tourner les coins ronds finalement. Et en cette ère où les médias vont trop vite, ben nous, on ralentit. On est fait de même. Bonne émission. Ainsi donc, alternative à la globalisation économique, avec comme sous-titre d'ailleurs « Un meilleur monde est possible ». Effectivement, c'est ce que se donne comme mission, si on veut, les auteurs de ce livre-là. Et c'est important parce que le livre ne fait pas que raconter, comme on le disait, ce qui va pas, se plaindre, ce qui marche pas, c'est un peu facile. C'est un livre qui propose des choses et beaucoup. Il y a une réflexion profonde derrière le livre, une logique, une cohérence aussi dans le propos qui fait en sorte que ce livre, même si ça ne se lit pas en un clin d'œil, là, vraiment pas, c'est un plaisir de le lire. Je trouve. Dès les premières pages, on parle d'abord du contexte de la mondialisation qui s'impose et s'impose encore avec des dégâts qu'on constate et qu'on commence aussi à mesurer. On le sait que la mondialisation fait mal. On sait où et pourquoi. Et dans la préface, on écrit d'ailleurs ceci. Cela dit, posons franchement la question. Est-ce possible de contrer cette méga-machine de la globalisation que les élites politiques et économiques du monde entier considèrent comme irrésistible et irréversible? Et si l'on est contre l'économie capitaliste néolibérale ou contre le capitalisme tout court, par quoi veut-on et peut-on les remplacer? Comment réinventer un système économique à la fois équitable et efficace, productif et respectueux de l'environnement, attentif à la qualité de vie des individus, est capable de répondre aux besoins de tous? Et comment le concrétiser? Est-ce faisable? Alors, vous voyez, c'est justement ce genre de questions-là qu'on pose. Mais donc, ce contexte, quel est-il? Il faut quand même l'aborder. On le présente comme étant un système en crise. Pour résumer, voici. Vendu au monde entier comme une panacée, la globalisation économique n'a pas été à la hauteur de ce que promettait la publicité l'entourant. Loin de soulager les pauvres, elle a créé des disparités sans précédent des revenus et de la richesse entre pays riches et pays pauvres, ainsi qu'entre riches et pauvres à l'intérieur des pays. Elle a considérablement nui à la démocratie et à la justice sociale. Elle a détruit des communautés locales et chassé des agriculteurs des terres qu'ils cultivaient depuis toujours. Elle a accéléré la plus grande dégradation de l'environnement de toute l'histoire. Les seuls vrais bénéficiaires de la globalisation sont les grandes transnationales et leurs hauts dirigeants, ainsi que les bureaucraties planétaires qu'ils ont contribué à créer. Les apôtres de la globalisation néolibérale adhèrent à cette vision du monde comme un catéchisme. S'il y a divergence entre eux, c'est principalement au sujet de l'ampleur des subventions que les gouvernements devraient accorder aux entreprises privées et du filet de sécurité à fournir pour amortir la chute des perdants dans le jeu implacable de la concurrence. Les mouvements de citoyens de leur côté perçoivent la réalité tout autrement. Soucieux des gens et de l'environnement, ils voient que le monde vit une crise d'une telle ampleur qu'elle menace toute la civilisation et même la survie de l'espèce. Un monde où les inégalités augmentent rapidement, où s'érodent les relations de confiance et de bienveillance. Un monde enfin où les écosystèmes planétaires, dont toute vie dépend, commencent à défaillir. Là où les partisans de la globalisation économique prônent l'expansion des économies de marché, les mouvements de citoyens voient le pouvoir de gouverner échapper aux gens et aux communautés et passer aux mains des spéculateurs et des transnationales engagés dans la poursuite du profit à court terme, sans égard pour toutes les préoccupations humaines et environnementales. Ils voient les grandes entreprises remplacer les démocraties par des autocraties de l'argent, les marchés autonomes par des économies centralisées, gérées par l'entreprise privée, et les cultures diversifiées par des cultures fondées sur l'avidité et le matérialisme. Aux yeux des citoyens éclairés, ces tendances ne sont pas le résultat de quelques inexorables forces historiques, mais plutôt des actes délibérés d'un système politique corrompu par l'argent que lui versent les grandes sociétés commerciales. Selon eux, la Banque mondiale, le FMI et l'OMC sont les principaux instruments de cet assaut mené contre les gens et contre l'environnement. Alors Jean-Claude, donc on va parler d'abord dans un premier temps ensemble du contenu du livre, si on veut. Je l'ai abordé un peu tantôt, 500 pages, divisé en trois grandes parties quand même. Là, on parle d'un système en crise, des alternatives à l'œuvre, donc effectivement des solutions, puis la gouvernance mondiale. Chacune de ces parties contient quand même plusieurs chapitres. La première partie, donc, elle se consacre au portrait de la situation pas très très rose, pas nouveau non plus, mais qui explique bien la mondialisation, les impacts sur la démocratie notamment. Là. Bon, donc il y a ça qu'on voit là. Et toi? Oui, ben c'est ça, effectivement. Puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la deuxième section du livre où les auteurs, en fait, proposent ce qu'ils appellent des principes, des façons différentes de faire. Et parmi ceux, on pourrait élaborer sur quelques-uns de ces principes-là. Mais un de ceux qui m'a le plus frappé, moi, c'est la subsidiarité. Ce ne sont pas eux qui ont vraiment inventé le concept. On l'entend quand même depuis plusieurs années. Mais la subsidiarité, dans le fond, c'est seulement l'idée que toutes les décisions et les initiatives doivent être prises localement et que, dans la mesure du possible, évidemment, parce que c'est pas toujours possible, et que le pouvoir s'exerce au niveau local dans la mesure du possible encore là. Donc, c'est une espèce de principe, plutôt que de partir de l'idée que ce sont les gros, les grands, les mondiaux qui savent qu'est-ce qui est bon, on inverse plutôt la façon de raisonner. On dit, on va laisser aux gouvernements nationaux ou transnationaux ou aux grandes corporations seulement ce qu'on ne pourra pas faire ou décider au niveau local. Donc, c'est un peu une façon différente de voir les choses. C'est carrément, dans le fond, un point de vue tout à fait opposé à la mondialisation. Plutôt que de partir du haut, on part du bas. On part du bas, on part de la base. Donc ça, évidemment, la subsidiarité, c'est tellement intéressant que dans notre prochaine intervention, on va se consacrer à celui-là. Si on passe rapidement pour ce qui est du contenu du livre, quand on parle des 10 principes, là, je l'ai dit vraiment rapidement, là, pour la création d'une société viable, on parle de la nouvelle démocratie, subsidiarité, on a glissé un petit mot, la viabilité économique, écologique, pardon, l'héritage commun, la diversité, les droits de la personne, le travail, la sécurité alimentaire, l'équité, le principe de précaution. Donc, on voit, c'est assez vertueux, mais quand on lit, en même temps, on se rend compte que chacun de ces éléments-là est soutenu. On ne dit pas ça juste, ce serait le fun, que ce soit le fun. C'est beaucoup plus que ça, là. Oui, on donne des façons concrètes, effectivement, de mettre en pratique là, ces principes qui autrement, pourraient se limiter à être uniquement vertueux, effectivement. Et on parle aussi de nos biens communs. Hein, ça, c'est un volet qui est intéressant. Nos biens communs, on parle entre autres, bon, on les divise en catégories si on veut. La première catégorie comprend l'air, la terre, les forêts et les ressources halieutiques, donc la pêche. Dans le deuxième, on trouve la culture et les connaissances. Et puis, enfin, les biens communs d'origine plus récente, comme bon, les gouvernements, la santé publique, l'éducation, la sécurité publique, sécurité sociale, entre autres. Donc, on pense pas beaucoup à ça non plus, les biens communs. Ça, on va revenir d'ailleurs là-dessus la semaine prochaine spécifiquement. Mais c'est un autre élément intéressant auquel on songe pas beaucoup. Je pense que c'est pas tellement, effectivement, porté à l'attention du grand public. Les politiciens parlent pas souvent, quoi qu'on peut reprendre certains des biens communs soit de façon très particulière, là. Mais je pense que ça mérite quand même une discussion particulière là-dessus. Et ça, comme tu viens de dire, on pourra le faire dans une prochaine émission. On parle aussi de la gouvernance mondiale. J'imagine que ce chapitre-là a pu t'intéresser beaucoup parce que ce qu'on dit en gros, là, c'est plus de pouvoir à l'ONU puis Bretton Woods dehors. Ben, ça, je trouve ça, honnêtement, c'est peut-être l'aspect du livre qui m'a laissé un peu sur mon appétit. Ça, je l'ai vraiment trouvé un peu naïf. Ouais. Je sais pas si en 2004, c'était quelque chose qu'on pouvait espérer, mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on s'éloigne peut-être davantage d'une véritable gouvernance mondiale. On sent d'ailleurs le mouvement des nationalismes culturels et économiques qu'on voit émerger partout dans le monde présentement et les menaces qui pèsent sur l'Union européenne, ce sont des choses qui rendent moins plausible en tout cas. Les traités qu'on signe, c'est le contraire de ça de toute façon. Aussi, parce qu'on de plus en plus, on pense à des traités bilatéraux plutôt que multilatéraux. Donc, moi, je pense qu'on s'éloigne de ça, évidemment. C'est peut-être la partie, dans le fond, la plus naïve, entre guillemets, du livre. Et c'est pathétique, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça semble contradictoire, dans le fond, avec le thème du livre où on plaide beaucoup pour des décisions locales, mais les décisions locales, c'est dans la mesure du possible. Il y a plein de problèmes qui demandent une gouvernance mondiale. Et là-dessus, le livre m'a laissé un peu sur mon appétit, moi, quand même. Oui, parce qu'on s'imagine qu'on est capable d'y arriver. En même temps, tout ce qu'on décrit nous-mêmes à cette émission-là depuis des semaines, c'est bien de comprendre que l'emprise FMI, Banque mondiale, OMC, l'OMC se pavaille de mourir. On est dans une totale dynamique, là, totalement différente, en fait. Ouais, là où le livre a vieilli un peu, c'est qu'aussi, je pense que au moment où le livre est écrit, les auteurs ne peuvent pas savoir que le FMI se rendrait compte que certaines de ses politiques, finalement, avaient l'effet contraire de ce qu'il souhaitait. Le FMI, depuis quelques années, sous la gouverne de Mme Lagarde, a mis un peu d'eau dans son vin. Ça a changé un peu de ce côté-là. Mais moi, la partie qui me déçoit le plus, c'est l'ONU, c'est-à-dire donner plus de pouvoir à l'ONU. L'ONU aurait dû être l'instance de gouvernance mondiale. Mais malheureusement, ça ne se dirige pas vers ça présentement. On sent que l'ONU n'est pas capable de prendre des décisions importantes. Il y a toujours des vétos posés par les grandes puissances. Puis on n'aboutit pas à grand-chose. Oui, parce qu'il faut, pour ce faire, abandonner sa souveraineté dans une large mesure et voir aux intérêts communs, ce qui n'est absolument pas le propre de beaucoup de pays, dont les États-Unis actuellement, quand un président qui dit « America first », le message est clair. C'est pas de l'ONU, ça. C'est un message très, très décevant, effectivement. Merci, on revient dans quelques instants. Là-dedans, je ne sais pas si ça a bougé dans vos oreilles, mais ici, ça bougeait. Ici donc, c'est le règne des grandes sociétés dans lequel nous vivons, c'est ce que nous raconte ce livre-là. Un monde taillé sur mesure pour elles, où les gouvernements sont plutôt complaisants d'ailleurs. Et on évoque les ingrédients clés de la globalisation économique. Hein, parce qu'on parle de globalisation, c'est bien, mais encore faut-il dire de quoi il s'agit. Promotion de l'hypercroissance et exploitation sans retenue des ressources naturelles et des nouveaux marchés pour alimenter cette croissance. C'est un des éléments clés. Privatisation et marchandisation des services publics et de ce qui reste des biens communs, qu'ils soient planétaires ou locaux. Homogénéisation culturelle et économique partout sur la planète et vigoureuse promotion des valeurs liées à la consommation. Pas de surprise ici. Intégration et conversion des économies nationales, dont certaines étaient largement autosuffisantes, à une production orientée vers les exportations, dommageable pour l'environnement et nuisible socialement. Des réglementations en faveur des grandes entreprises et entière liberté de mouvement pour les capitaux d'un pays à l'autre. Hausse spectaculaire de la concentration entre les mains de grandes sociétés commerciales. Démantèlement des programmes de santé publique, des programmes sociaux et des programmes de protection environnementale déjà existants. Et puis, remplacement des pouvoirs traditionnellement exercés par les États-nations démocratiques et les communautés locales par les grandes bureaucraties planétaires au service de la grande entreprise. Hein? Avec quelques points comme ça, on vient d'établir et de résumer la situation. C'est pas mal ça. Et pour imposer cette vision, ben, ça prend des complices. Et les complices, on les connaît. On en a d'ailleurs parlé plusieurs fois à l'émission. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le FMI, et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Uh-huh. Et sur cette Sainte Trinité pas très sainte, ils écrivent « Chacune de ces trois institutions a son propre mandat. La Banque mondiale finance des grands projets, fait la promotion des politiques d'ajustement structurel et domine le débat sur le développement par le truchement de son service de la recherche. » De son côté, le FMI cherche à imposer des réformes économiques de même nature par le biais de prêts à court terme visant à répondre à des urgences. L'OMC, enfin, fixe les règles du commerce et des investissements à l'échelle mondiale. Cependant, toutes trois travaillent de concert pour s'assurer que tous les pays adoptent des visions, des politiques et des normes identiques et qu'ils ne s'en écartent pas. Et chacune a fait sien les mêmes grands objectifs. Déréglementer les activités des grandes entreprises commerciales, privatiser tout ce qui est du domaine public, empêcher les pays de protéger leurs ressources naturelles ou de maintenir des lois ou des normes relatives aux droits du travail et ouvrir toutes les voies possibles dans chaque pays afin que les investissements et le commerce puissent y circuler sans entrave. Amen. Jean-Claude, nous allons aborder spécifiquement la subsidiarité qu'on a abordée très rapidement tantôt. Donc, parmi ces solutions envisagées, on insiste beaucoup là-dessus. Ce qui veut dire subsidiarité, dans le fond, la préférence au local, d'une part. Les décisions, les initiatives qui sont prises localement, dans la mesure du possible, tout ce qui peut être pris localement, ben, qu'on le fasse. C'est un peu ce qu'on comprend là. Oui, ben, en fait, c'est comme je mentionnais tantôt en introduction, c'est le pendant, enfin, c'est l'exact opposé de la mondialisation. C'est deux façons de concevoir les systèmes de décision, de production, de consommation. Mondialisation, ce que ça veut dire, dans le fond, ça veut pas juste dire commerce international. Ça, c'est très vieux, ce concept-là. Ça veut dire que la production par les entreprises est conçue à l'échelle mondiale. On peut faire de la recherche dans un pays, s'approvisionner en ressources dans un autre, faire mettre son service de marketing dans un troisième pays, puis finalement le distribuer un peu partout dans le monde. Donc, on conçoit son système à l'échelle mondiale. Ici, quand on parle de subsidiarité, on pense concevoir ça à l'échelle locale, c'est-à-dire une espèce de système qui s'établit où on s'approvisionne localement, on transforme les produits localement, on les consomme localement. Toujours dans la mesure du possible. Puis évidemment, il y a le lien à faire avec la politique. Il faut que le plus possible, les décisions concernant, par exemple, les normes, concernant la réglementation, la fiscalité, se prennent localement en fonction des intérêts de la population locale. Donc, c'est une façon complètement différente, complètement à l'opposé, de concevoir les systèmes à la fois économiques et politiques. Je résume très rapidement, là, si on peut reprendre ces quelques moyens, parce qu'ils disent, bon, comment on fait ça? Comment ça se fait, ça, de la subsidiarité, ben, réintroduire les mesures de protection pour protéger les économies nationales ou locales, donc droits de douane, quotas d'importation, restrictions et réglementations des investissements, changer la politique de subvention qui, au lieu de favoriser les infrastructures de transport, devrait favoriser les entreprises locales, subvention qui favorise le développement local et le remplacement des importations par des productions locales, nouveau contrôle sur les grandes entreprises, on est quand même dans le concret, c'est des idées, là, mais ancrer le capital et l'investissement dans la communauté, accorder des changements majeurs aux politiques fiscales en augmentant les taxes sur les ressources et en introduisant des redevances pour la pollution. Augmenter la participation publique directe à l'élaboration des politiques, réorienter la dette internationale et les règles de commerce, mettre en place de nouvelles politiques de concurrence et puis encourager la cohésion sociale. C'est sûr, c'est large, là. Là, je le dis vite, là, mais on le décrit aussi, chacun de ces éléments-là. De sorte qu'une fois qu'on le lit, on comprend que c'est... Il y a peut-être des vœux pieux au travers, mais c'est de manière générale plutôt inspirant et pas si fou que ça. Ben, effectivement, c'est très logique, c'est très cohérent avec l'idée de subsidiarité. Par contre, c'est pas dans cette voie-là que les gouvernements un peu partout dans le monde semblent se diriger présentement. Je regardais par exemple Mme May, là, qui est la première ministre britannique, qui annonçait des programmes fiscaux pour inciter les multinationales à venir investir au Royaume-Uni. C'est carrément à l'encontre de ce que les auteurs du livre préconisent. Oui. Ils veulent plutôt une fiscalité qui encourage les entreprises locales. Il apporte un exemple, moi, que je trouve très révélatrice, c'est-à-dire les politiques de subvention, tout comme les politiques fiscales, devraient favoriser davantage les microbrasseries que l'implantation mondiale de Coors. C'est Coors, qui est la grande brasserie américaine. Je recommande vraiment, c'est clair que cet exemple-là qu'on préconise. Mais c'est dans parce que c'est meilleur, c'est pour ça. Ben, il y a ça aussi. Par contre, ça peut peut-être coûter plus cher. Peut-être que des produits de la qualité coûtent un peu plus cher. Mais eux recommandent effectivement qu'on soit d'accord, qu'ils incitent, en fait, c'est là qu'ils mettent qui invite les citoyens, le simple citoyen, à y aller faire sa part aussi en acceptant de payer peut-être un petit peu plus cher pour acheter des produits locaux, en tout cas, produits localement. Mais il y a quand même aussi une contradiction parce que oui, c'est vrai, sur le plan macroéconomique, international, on a tendance à ouvrir plutôt qu'à réduire, alors qu'il y a quand même de plus en plus dans les différents pays, dont le nôtre, des initiatives locales, pour prendre l'exemple de la bière, de la microbrasserie, il y a une volonté, on dirait quand même, de la part de la population, c'est peut-être là qu'il va finir par y avoir une pression qui va pouvoir faire changer les choses dans une certaine mesure, parce que si on ne laisse que l'économie aller, il n'y en aura pas vraiment de changement, en tout cas pas dans cette direction-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est vrai qu'on entend, il y a beaucoup d'initiatives qui sont annoncées. Les gens en parlent beaucoup, mais les gens affichent une sympathie pour le commerce local, mais ça ne se traduit pas souvent, pas suffisamment, en tout cas à mon avis, dans le concret. On le voit très bien, là, beaucoup les consommateurs au Québec, comme sans doute ailleurs au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, souvent vont se déplacer pour aller dans un grand centre de distribution, genre Costco ou autre. Là, rien contre Costco. C'est un exemple, ou Walmart, par exemple, qu'on connaît très bien. Mais on va se déplacer pour acheter des produits pour économiser quelques sous, quelques dollars, alors qu'on sait très bien que ces produits-là viennent de loin dans le monde, viennent d'ailleurs, en tout cas, de la communauté locale. Et pourtant, on a quand même ce message-là que, dans le fond, la façon de faire de l'économie actuelle est la bonne, hein, on le dit tout le temps, c'est la religion, elle est établie, on doit la suivre, et pourtant, la subsidiarité, c'est pas un mauvais plan économique en soi, là. Non, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis moi, j'étais très sensible à ça. C'est des choses qu'on savait déjà, mais le livre les résume très bien. Il y a beaucoup d'avantages au développement d'une économie plus locale, plus communautaire. Notamment, c'est le développement de la communauté locale. Les gens, il y a un sentiment de communauté qui se développe au niveau local parce qu'on sait très bien, on sait d'où vient le produit, on sait qui l'a produit, on sait qui le consomme. Et c'est évidemment, au point de vue environnement, c'est la diminution des transports de longue distance, avec toutes les conséquences positives que ça a sur la consommation d'énergie, conséquences également sur l'environnement. C'est la réduction. Moi, une chose qui me frappe beaucoup et qu'on oublie toujours, c'est la réduction de la vulnérabilité aux pannes, aux pénuries, aux épidémies, aux terrorismes. Dépendant des autres et de très loin. Dépendant des autres de très loin, puis vous dépendez surtout de systèmes très, très étendus, des lignes logistiques, comme on pourrait dire. Les gens des forces armées sont très sensibles à ça. Plus tes lignes logistiques sont étendues, plus tu es vulnérable à l'ennemi. Puis l'ennemi peut prendre différentes formes. Ça peut être seulement une guerre commerciale. Un pays peut décider qu'il n'est pas tellement content de la façon dont vous discutez avec lui, puis il va décider finalement de vous couper les approvisionnements dans une denrée quelconque. Là, vous êtes dans le gros trouble si vous n'avez pas d'approvisionnement local, parce que vos approvisionnements, soit en denrées alimentaires, en énergie, en produits pharmaceutiques, sont restreints. Ça prend du temps de se reconstruire une industrie pharmaceutique ou une industrie alimentaire suffisante pour répondre à vos besoins. Et on peut aller jusqu'au « too big to fail hein. ». Ça aussi, on en a parlé la semaine dernière, parce que quand on dépend aussi de choses qu'on pense qui ne peuvent pas défaillir, L'histoire prouve que le contraire. Oui, c'est une chose intéressante. Quand vous dépendez de grandes compagnies, à un moment donné, vous n'osez pas trop leur serrer la vis parce qu'ils vont vous menacer de s'en aller ailleurs et donc de vous couper des emplois locaux. Alors, en comptant davantage sur des petites entreprises, vous n'êtes pas à la merci de ce chantage par de grandes entreprises multinationales. Alors, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. C'est David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Quelques mots sur le Radioton qui s'en vient, oui, effectivement, au cours des semaines qui suivent, en route vers notre événement radiophonique Radioton 2017, qui se tiendra les 31 mars, 1er et 2 avril. D'ailleurs, nous n'aurons pas d'émission Econophile pendant cette semaine-là. Nous sollicitons votre appui pour un don pré-Radioton ou encore en renouvelant votre carte de membre. Notre objectif, 42 000 $, hein, c'est comme je disais, le salaire moyen quotidien d'un PDG. Votre soutien demeure essentiel. Donc, façon de procéder, vous trouvez les renseignements sur ckrl.qc.ca. Je vous en remercie chaleureusement à l'avance. C'est important. C'est une radio qui compte sur ses membres et qui compte sur la communauté, ce qui diffère de toutes sortes de façons, dont le propos, hein, d'ailleurs. On l'entend bien, notamment cette émission. Donc, merci à l'avance à tout le monde. Pour de retour à nos moutons, oui, ben, nous vous présentons le livre « Alternative à la globalisation économique ». Et voilà, j'ignore pourquoi ça démarre, mais on va l'arrêter. Merci beaucoup. Donc, globalisation économique. Et puis, nous parlions de solutions, hein, de propositions un peu plus tôt. Alors, je vous fais ici la lecture en résumé, là, ça sera pas trop long, des 10 principes pour la création d'une société viable. Je l'ai évoqué vraiment rapidement tantôt. Donc, je le fais plus à fond ici. La nouvelle démocratie, ce que ça veut dire. La démocratie s'épanouit quand les gens s'organisent pour protéger leur communauté et leurs droits et considèrent que leurs élus sont responsables de leurs décisions envers eux. Voilà. Le principe de subsidiarité, on l'a bien abordé, il importe d'élaborer des règles et des structures nouvelles qui donnent la préférence au local et suivent le principe de subsidiarité, que toutes les décisions et initiatives qui peuvent être prises localement le soient et que le pouvoir s'exerce au niveau local dans la mesure du possible. La viabilité écologique. Toute société qui se veut viable doit s'assurer que le rythme où ses ressources sont exploitées n'excède pas le rythme où elles se régénèrent. Le rythme de consommation des ressources ne dépasse pas le rythme auquel les produits de remplacement renouvelables peuvent être graduellement offerts. Le taux d'émissions polluantes et d'accumulation des ordures n'excède pas le rythme auquel les déchets peuvent être absorbés sans danger. Les biens communs, c'est un patrimoine collectif pour l'espèce entière qui doit être partagé équitablement entre tous les habitants de la planète. La diversité. La diversité est la clé de la vitalité, de la résilience et de la capacité d'innover de tout système vivant. Il en va de même pour les sociétés humaines. La diversité économique est le fondement des économies locales qui répondent aux besoins des gens, de la communauté et de la nature. Des économies qui sont à la fois souples et résistantes, stables, peu énergivores et autonomes. Les droits humains. 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU reconnaît certains droits fondamentaux comme le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité en cas de chômage. Maintenant, en plus des droits civiques et politiques, les gouvernements ont le devoir de garantir les droits économiques, sociaux et culturels. Le travail, l'emploi et les moyens de subsistance. Une société viable doit à la fois protéger les droits des travailleurs dans le secteur structuré et répondre aux besoins des gens bien plus nombreux qui tentent de gagner leur vie dans ce qui est maintenant convenu d'appeler le secteur informel, ainsi que de ceux et celles sans travail ou gravement sous-employés. La sécurité alimentaire et l'alimentation saine. Il est impératif que les nouvelles règles du commerce international reconnaissent que la production alimentaire destinée aux communautés locales a la primauté en agriculture. L'autosuffisance alimentaire et l'assurance de pouvoir consommer une nourriture saine devraient être considérées comme des droits fondamentaux. L'équité. Pour réduire le fossé qui ne cesse de s'élargir entre pays riches et pays pauvres, il faut d'abord annuler la dette des pays pauvres. Il faut aussi remplacer les institutions actuelles auxquelles on a confié la gouvernance planétaire par des nouvelles pour qui l'équité est un principe fondamental. Et puis enfin, le principe de précaution. Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Par conséquent, le principe de précaution doit être universellement accepté et adopté si l'on veut que les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants démocratiquement élus, aient le droit d'être renseignés, de participer aux décisions et de contrôler les risques auxquels eux-mêmes ou leur environnement peuvent être exposés. Donc, Jean-Claude, maintenant, pour parler justement de ces solutions qui sont des principes et solutions qui sont proposés, il y en a qui t'interpellent peut-être davantage? Oui, mais ce ne sera pas possible d'en faire le tour parce que, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, déjà, c'est un livre très riche, très, très volumineux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées intéressantes. Certaines qu'on connaît déjà, notamment, peut-être mentionner brièvement là, une section du livre qui s'appelle « Les systèmes opérationnels de recherche ». Quelle sorte de système? Comment il faut envisager les grands systèmes en matière d'énergie, de médias, de transport? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je retirerais peut-être quelques petits éléments à travers tout ça, notamment en matière de transport, c'est que ils mettent beaucoup l'accent, ils disent qu'il faudrait penser davantage aux piétons et aux vélos. Et ça, on le sait très bien, c'est un débat qui est très, très présent à Montréal, notamment un peu à Québec aussi. Ah, c'est qu'on pense beaucoup au grand système motorisé, faisant appel à des véhicules motorisés, mais il faudrait aussi penser aux piétons et aux vélos. Et c'est évident, si tu vas avoir un milieu local là, plus vivant, plus dynamique. Plus en santé, le déplacement, plus en santé, plus en plus on parle de ça. Peut-être aussi, dans le domaine des grands systèmes, il s'attarde sur un des grands systèmes auxquels il attache d'importance, c'est le commerce international et la finance. On en a parlé à quelques reprises lors des émissions précédentes. Et eux plaident pour un commerce équilibré. Je pense que c'est important. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que dans les échanges entre les pays développés et les pays moins développés, il faut penser à une espèce de réciprocité. Il faut que chacun y trouve son compte. Il ne faut pas qu'un des pays exploite d'autres pays sous prétexte qu'ils sont moins bien organisés. Et ils plaident dans le même esprit, ils plaident pour des prix honnêtes, pour les biens de consommation courants. Donc, il faut accepter que les biens viennent du niveau local ou qu'ils viennent d'un autre pays, accepter, dans le fond, de payer pour ce que ça... pour que ceux qui l'ont produit aient une juste rétribution pour leur effort. Et aussi tenir compte, évidemment, des coûts que ça peut représenter pour l'environnement. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ce livre-là, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est l'appel aux gestes individuels. Je pense qu'il s'adresse à nous pas juste en, il s'adresse pas juste au gouvernement et aux entreprises, mais il s'adresse aux citoyens en tant que consommateurs, en tant qu'épargnants, en tant que travailleurs, en tant qu'investisseurs. Et ça, c'est important. Donc, ça va déboucher sur des choses comme, évidemment, l'achat local, le recours à aller dans les marchés publics. Beaucoup d'entre nous le font déjà. C'est une voie dans la bonne direction quant à eux. Miser sur les coopératives de production, les coopératives d'alimentation, ce sont des choses qui font appel encore là à la, aux énergies, au partenariat local. Et ils évoquent aussi également l'investissement responsable. Ça, c'est une bonne chose. Depuis facilement une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, de plus en plus, les institutions financières offrent des possibilités d'investir dans des placements équitables. C'est-à-dire, on vous garantit que quand vous placez dans ce genre de fonds-là, vous financez des entreprises qui ont des bonnes pratiques commerciales, qui respectent l'environnement, qui respectent le travailleur. Et évidemment, ils plaident pour le commerce équitable, c'est-à-dire s'approvisionner auprès de commerces qui vont vous garantir que vous payez un juste prix par rapport aux produits qui viennent, par exemple, du tiers-monde. Et justement, d'ailleurs, je vais en lire un petit bout tantôt, là, mais de la conclusion, le titre qu'on lui a donné, c'est « Passer à l'action », ça en dit long, sur la nécessité aussi qu'il y ait des gestes personnels. Et c'est drôle parce que ce que tu viens de nous dire par rapport aux investissements responsables, j'ai vu il y a quelques jours à peine, dans la dernière semaine, j'ai vu le film « The Big Short ». Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Oui, c'est un très bon film. Oui. C'est un très bon film que je recommande à ceux qui veulent essayer de comprendre un peu. J'ai trouvé qu'ils ne sont pas tombés dans le piège d'essayer de décrire trop à fond ce que sont ces produits toxiques qu'on a vendus pendant le temps qui a précédé la crise, la grande crise de 2008. Et ça permet de comprendre un peu l'esprit de folie qui est derrière. Ça allume peut-être quelques lumières et ça voudra peut-être vous donner l'envie, effectivement, d'être plus à l'affût de ces choses-là pour procéder à des achats qui sont effectivement plus responsables. On ne fait plus juste dire, fais-moi un package deal, mets ce que tu veux dedans, je veux que ça rapporte. Il y a plus que ça. Oui. T'allais rajouter? Bien, j'allais ajouter que je l'ai mentionné un peu tantôt. Moi, je pense que c'est très interpellant pour chacun d'entre nous. Puis il faut accepter, à un moment donné, de payer peut-être un petit peu plus cher, mais de payer pour quelque chose de plus en accord, finalement, avec les valeurs que l'on professe, que ce soit des valeurs environnementales ou de solidarité. Il le mentionne très bien dans le livre, c'est-à-dire que c'est un peu, dans le fond, faut accepter de payer un peu plus cher pour être conforme avec nos principes. Mais en terminant, c'est un changement de paradigme là, dont on parle. C'est-à-dire qu'il faut concevoir le monde autrement que par la croissance, les profits, puis par l'économie pure pour s'intéresser vraiment à ce que ça rapporte à l'humain. C'est un gros changement. Énorme. Quelle voix quand même, hein? Alors donc, faut bien interrompre cela. On vous l'a dit, donc, la semaine prochaine, on va continuer de vous parler de ce livre fascinant, très complet et très inspirant aussi. Mais juste un saut de quelques pages, comme je disais, pour nous retrouver vers la fin avec un message justement inspirant qui s'intitule « Passer à l'action ». Il y a comme un lien avec mes commentaires d'ouverture, ces concepts-là. J'ai de la suite dans les idées. Alors, ça va comme suit. Le temps est venu de créer des institutions démocratiques qui mettront fin au règne des grandes entreprises, assureront le respect des droits de la personne et de la souveraineté de tous les pays et leur redonneront le contrôle de leur économie et de leurs ressources. Tout cela peut s'effectuer dans le cadre d'accords internationaux favorisant la justice sociale, la sécurité alimentaire, le plein emploi, la viabilité environnementale et la stabilité financière. En accord avec les 10 principes d'une société viable définis dans ces pages, un tel système soutiendrait les juridictions locales et nationales afin que chaque pays puisse contrôler et utiliser ses propres ressources en fonction de sa situation particulière et de sa culture. Les réglementations ainsi que l'établissement des normes et la fonction d'exécution de la loi relèveraient principalement d'instances locales et nationales. L'élaboration de règles internationales et les interventions à cette échelle seraient réservées aux urgences d'intérêt mondial, comme le maintien de relations économiques justes et équitables entre les pays ou la lutte au changement climatique. Les ententes en matière de commerce et d'investissement viseraient à améliorer le sort des démunis partout dans le monde et à protéger les pays vulnérables contre les assauts des grandes puissances et des transnationales. Le temps est venu de participer au mouvement politique croissant en faveur de nouvelles façons de faire. De concert avec des centaines d'autres organisations de la société civile des cinq continents, l'International Forum on Globalization travaille à évaluer et raffiner les approches alternatives présentées tout au long de ce livre et à les intégrer aux politiques publiques. Nous vous invitons à participer à ce vaste chantier si important. Alors, effectivement, très inspirant. Maintenant, revenons à nos habitudes hebdomadaires, Jean-Claude, pour chiffres de la semaine. On s'intéresse à la générosité, tiens? Oui, ben, je trouvais que ça ferait changement. En tout cas, oui. Ça nous remonterait peut-être un peu le moral. Plutôt que parce qu'habituellement, à cette émission-ci, on parle souvent des comportements de cupidité et d'avidité chez les grands de ce monde, quand ce n'est pas chez nous-mêmes. Oui. Et j'ai mis la main sur un indice mondial du don. En fait, c'est un indice donc préparé par un organisme qui s'appelle Charities Aid Foundation. Depuis quelques années, depuis 2010, il publie une espèce de recensement des endroits dans le monde où on est le plus généreux. En fait, c'est basé sur des enquêtes auprès de la population de type Gallup. Et il pose la question suivante à des personnes dans 140 pays, je pense, dans le monde. Avez-vous fait un don de charité au cours des derniers mois ou bien avez-vous donné du temps à des gens dans le besoin? Ou alors, est-ce que vous avez aidé un étranger? Et je tiens à mentionner que dans ce dernier critère-là, c'est l'Irak qui arrive en premier lieu. C'est quand même curieux. L'Irak arrive en premier lieu au sujet de l'aide à des étrangers. Ah oui? Évidemment, ce sont des... On vous aide à partir? Je ne sais pas si aide aux Américains, parce qu'on avait prétendu aller en Irak pour les aider, mais apparemment, ça marche à l'inverse également. Mais faut toujours se méfier, évidemment, des enquêtes de ce genre-là. Ça dépend beaucoup de la culture locale, des sensibilités locales, mais il reste que malgré tout, ça donne des résultats intéressants. Encore une fois, parmi ceux qui arrivent en tête par rapport à cet esprit de générosité, ce sont les États-Unis, ex aequo avec le Myanmar, que c'est quand même curieux que ces deux pays-là soient associés en tête de liste au niveau de l'indice mondial du don. Ex aequo en troisième position, parce qu'on vient de nommer les premiers et premier et deuxième position ex aequo. Le Canada et l'Irlande arrivent ex aequo en troisième position. Et la Nouvelle-Zélande en cinquième et l'Australie en sixième, le Royaume-Uni en septième. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, ce que je retiens, ce qui m'étonne, mais en fait, je suis content que le Canada s'en tire pas si mal. Je sais pas si le Québec sera au même niveau que le Canada. On dit souvent que les Québécois sont un peu moins généreux en termes de dons monétaires, en tout cas. Mais ce que je retiens, c'est que ce sont principalement des pays de type néolibéral, c'est-à-dire des pays où on ne compte plus tellement, en tout cas dans l'idéologie officielle, sur l'aide du gouvernement pour aider les nécessiteux. C'est comme s'il y avait une espèce de phénomène de compensation. Je mets de côté le Myanmar, là, qui est une bizarrerie que je ne peux pas expliquer, mais les autres pays, ce sont tous des pays anglophone de tradition libérale, néolibérale, donc, et c'est comme si les populations sentaient le besoin de compenser l'absence du gouvernement au niveau de l'aide, au niveau de l'assistance aux nécessiteux. Oui, j'ai souvent entendu cet argument-là, d'ailleurs, en disant, notamment au Québec, on a un filet de protection sociale beaucoup plus important et mieux déployé que bien des endroits dans le monde, donc, conséquemment, on donne peut-être moins, mais on donne différemment. Ben, d'ailleurs, oui, puis... Par les impôts. Peut-être mentionner un autre... pays dans le classement, le Danemark qui est un des pays où l'État est le plus présent, je pense que c'est le pays dans le monde où l'État est le plus présent, c'est un pays scandinave, et arrive au 17e rang. Donc, on voit très bien cette espèce de disparité là, entre deux types de philosophie de l'intervention gouvernementale, notamment en matière d'assistance aux populations. Et Danemark, ils sont très heureux, mais très endettés sur le plan des ménages, ça, je m'en souviens. Maintenant, on va parler, pour terminer, d'actualité. Un sujet qui a retenu notre attention quand on s'est échangé, on s'est dit, ouais, moi aussi, l'ALENA, effectivement, l'ALENA, le gouvernement américain qui espère lancer officiellement d'ici deux semaines le mécanisme législatif qui ouvrirait la voie à la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, plus tard cette année, dont le secrétaire américain au commerce a indiqué qu'il espérait prévenir officiellement le Congrès d'ici deux semaines de l'intention de son administration de renégocier l'accord conclu en 1992 par le Canada, les États-Unis et le Mexique et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Pourquoi, comment? Qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne idée de renégocier, de repenser l'ALENA? Ma réponse est oui, mais je pense que ce n'est pas pour la même raison que Donald Trump. Ben, honnêtement, moi, je ne sais pas c'est quoi l'urgence de renégocier l'ALENA. Il y a des choses, évidemment, qui se sont passées, qui ont changé depuis 1992, notamment toute l'importance du commerce électronique, l'importance des services également. Il y a beaucoup plus d'échanges au plan international de services que c'était le cas en 1992. Mais tout ça justifie-t-il une renégociation? Je ne sais pas. En tout cas, dans l'esprit de M. Trump, oui, apparemment. Mais ce qui m'a frappé... Pourquoi tu penses? C'est quoi son objectif? À lui. C'est quoi, quel choix il pense? Ben, je pense que c'est carrément un objectif populiste. Là, peut-être que c'est sa clientèle de ça base, passe, des gens qui ont eu des difficultés avec, à mener leur emploi dans certaines zones du Midwest américain, notamment. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'article dont tu viens de parler, David, c'est que le secrétaire au commerce américain, M. Ross, semblait rabaisser la barre en disant « Ouais, dans deux semaines, mais on n'est pas trop sûr, parce qu'au Congrès, il y a bien d'autres priorités. » Oui, il y a d'autres chats fouettés, on le disait. C'est comme si on commençait à patiner du reculon un petit peu. Puis moi, je pense qu'on patine du reculon pour des choses que beaucoup d'observateurs qui connaissent ça un peu ont mentionné au cours des derniers mois. C'est-à-dire que l'économie nord-américaine est très intégrée, justement grâce à cause de l'ALENA. De plus en plus, les produits, on a mentionné nous-mêmes à notre émission il y a quelques semaines, les produits traversent la frontière là, à différentes étapes de leur production, de leur transformation. Ouais. On prend la matière première au Canada, on l'envoie au Mexique pour une première transformation, elle aboutit aux États-Unis pour une transformation finale, puis là, ils la revendent au Mexique et au Canada. À titre d'exemple. C'est un exemple fictif, évidemment, mais qui reflète un peu la réalité. Par exemple, je mettais la main sur un chiffre là, ce matin. Par les exportations américaines, mexicaines, c'est-à-dire aux États-Unis, il y en a 20... Sur un dollar d'exportation mexicaine aux États-Unis, il y en a 25 cents, 40 cents, pardon, qui proviennent des États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a importé à partir des États-Unis au Mexique pour le transformer, un produit qu'on retourne une fois transformé davantage aux États-Unis. Donc, les États-Unis, dans le fond, se tireraient dans le pied, se nuiraient à eux-mêmes, nuiraient à leur propre économie s'ils restreignaient le commerce avec le Mexique. Le même genre de statistique vaut pour le Canada également, c'est-à-dire que le Canada, c'est 25 cents. Un produit canadien qui est vendu aux États-Unis, en moyenne, il y a déjà... Dans un dollar de produits vendus aux États-Unis par le Canada, il y a 25 cents qu'on a déjà importés des États-Unis. Donc, on voit que les trois pays sont très intégrés au plan économique, puis défaire ça, ce serait nuisible. Ce qui ressemble à ce qu'on dit depuis des semaines ici, et comme bien d'autres observateurs qui disent que il y a le discours économique et le discours politique. Trump tient un discours politique, il veut rassurer sa clientèle américaine, mais le discours économique, lui, Renégocier l'ALENA, ça dépend sur quel paramètre, mais c'est pour fermer, se replier un peu sur soi. Il va se nuire à lui-même parce que le commerce international, c'est capital pour les États-Unis d'Amérique. Ben, moi, je me répète, là, mais ce que je lis entre les lignes dans la déclaration de M. Ross, c'est que... Je vais convaincre mon patron. autour de M. Trump, il y a bien des gens qui ont compris ça, qu'on va y aller mollo finalement avec la renégociation de l'ALENA. Oui, donc, alternative à la globalisation économique, un monde meilleur est possible, mais en. Donc, c'est un ouvrage d'un collectif sous la direction de John Kavanagh et Jerry Mander du Forum International sur la mondialisation. C'est publié chez Éco-Société 2004, effectivement, version à lire pour réaliser ce qui se passe, mais surtout pour parler des options, des possibilités, de ce qu'on peut faire aussi. Et on finit de lire ça, on se dit, oui, c'est possible. En tout cas, peut-être demain, là, mais c'est possible. Alors, c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup, Jean-Claude. J'apprécie toujours. Merci de tes propos. Et puis, l'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci, à samedi prochain pour la suite de cet excellent livre.